Les emplacements réservés pour le stationnement et l'arrêt d'usagers particuliers, bus, car, etc., ne doivent jamais être occupés, même pour un court instant, par un autre usager non autorisé. Stationner serait évidemment très gênant, mais même s'arrêter est interdit, parce que le car peut arriver à tout moment. Réponse B et D.